47. Vers une coalition du domaine public. Lu par François Schnell. Vers une coalition du domaine public. L'expression « propriété intellectuelle » n'évoque donc plus un régime équilibré à des fins d'intérêt général, mais au contraire, une protection accrue pour les industriels de la culture et de la connaissance. Au-delà de ce détournement sémantique, le désastre tient en ce que les défenseurs d'une vision ouverte de la connaissance sont privés de la possibilité de débat. Le travail de reconquête passe par la politique et par la définition d'un premier socle commun de propositions. D'ores et déjà, des groupes informels existent et tous désirent étendre le domaine public, entendu comme un espace élargi de circulation et de coopération des savoirs. Des militants du logiciel libre œuvrent pour contrer la mainmise de quelques sociétés sur les outils informatiques de base. Des ONG humanitaires luttent pour l'accès des plus pauvres aux médicaments. Des bibliothécaires protestent contre la difficulté croissante de promouvoir la libre circulation des connaissances. Des paysans contestent l'appropriation du vivant. Des chercheurs bataillent contre les tombereaux des brevets qui entravent leur travail. Des artistes s'insurgent contre la difficulté toujours plus grande de créer au sein d'un marché omniprésent. C'est une coalition des biens communs qui doit naître aujourd'hui, selon l'expression de l'ex-fonctionnaire de la Commission européenne, Philippe Aigrin. Un regroupement de citoyens capables de faire pièce à ceux qui, je cite, « invoquent des droits » qu'ils n'entendent faire valoir en fait qu'au profit des grands acteurs économiques ou d'une petite caste. L'émergence indispensable de cette coalition, le juriste américain James Boyle la compare à celle du mouvement environnementaliste depuis les années 50. À l'origine, les luttes étaient multiples, essentiellement défensives, et les militants se mobilisaient chacun dans leur coin. Le parallèle avec l'immatériel est pertinent. Deux constats se détachent aujourd'hui. Le premier, c'est la nature complexe, collective et imprévisible de tous les processus de création, la fragilité de l'écosystème de la connaissance. Le second est que le marché échoue systématiquement à prendre en compte les externalités positives de la circulation des connaissances et de la culture, de la même façon qu'il ignore les externalités négatives de l'activité économique sur la nature. Il étouffe la diffusion des savoirs quand celui-ci ne rapporte rien directement, tout comme il détruit l'environnement quand ce saccage ne coûte rien. La liaison entre ces deux idées conduit à la nécessité de défendre le domaine public dont la préservation est aussi indispensable à l'humanité que celle de l'environnement. Il ne s'agit plus de protéger la science ouverte ou l'accès libre à la culture ou la diffusion, mais de sauvegarder les biens communs du savoir, de faire admettre une écologie politique de l'esprit. La comparaison avec l'écologie n'incite pas à se réjouir, elle invite plutôt à la patience. Comme le dit James Boyle, le mouvement environnementaliste naît dans les années 50. Plus d'un demi-siècle plus tard, si la nature est au cœur des politiques internationales, la résistance demeure encore vive, comme en témoigne la politique désastreuse de George W. Bush, notamment dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la coalition potentielle du domaine public est encore dispersée. Les informaticiens sont certes réunis au sein d'associations efficaces, mais isolées, comme la Free Software Foundation ou en France, April. Les artistes sont éparpillés, les fermiers s'organisent au sein de leurs propres syndicats, les bibliothécaires dans leurs associations. Rares sont les collectifs regroupant ces luttes disjointes, même si les contacts sont de plus en plus nombreux. Greenpeace ou les Amis de la Terre, puissantes associations écologiques mondiales, n'ont pas d'équivalent dans le domaine public.